ndio Bwana. Que ta gloire vienne. Utukufu wako na uje. Que ta gloire vienne dans cette réunion. Utukufu wako uje. Que ta gloire vienne dans cette réunion. Utukufu wako uje ndani ya mkutano huu. Les extrémités lointaines, la terre et de la mer soupirent après ta gloire. Nous soupirons après toi, Seigneur. Comme une biche soupire après des courants d'eau. On a ma soif de ta présence. Mon cœur soupire après toi. Mon cœur soupire après toi, Seigneur. Moyo wangu nakutamani Bwana. Tu es le même. Wewe ni yule yule. Qui t'est révélé à ceux qui nous ont précédés. Uliyejifunua kwa waliotutangulia. Révèle-toi encore aujourd'hui. Uliyetendoka jifunue kwetu siku ya leo. T'es révélé hier, révèle-toi encore aujourd'hui. Uliyejifunua jana ondoka jifunue tena leo. Tu es le même hier, aujourd'hui éternellement. Wewe ni yule yule jana leo na milele. Car tu y es, tu étais et tu viens. Mana uko ulikuwa na unakuja. En toi il n'y a ténèbres ni ombre de variation. Ndani mwako hamuna hata giza. Les desseins de ton cœur sont éternels. Na mipango zako ni za milele. Tes choix sont immuables. Uchaguzi wako haubadiliki. Tu ne te repens pas de tes dons. Wewe ukinyanganya ulioipata. Béni soit ton Père. Jina lako libarikiwe Baba. Oh mon âme t'adore. Nafsi yangu ya kuabudu. Mon âme te célèbre. Nafsi yangu ya kushangilia. Alléluia. Amen. Sois reconnu ce soir. Wendo katambulike jioni ya leo. Reçois honneur et gloire dans cette réunion. Pokea sifa na heshima ndani ya mkutano huu. Ya sifa Bwana pokea sifa jina lako litukuzwe Bwana pokea sifa pokea sifa Tu nous as créé pour ta gloire. Nous sommes là pour ta gloire. Retire gloire de mon être cet après-midi. Tire gloire de ce moment. Tire gloire de cette réunion. Amène ta gloire dedans. Et pèse, Seigneur, dans ces lieux. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Tout le monde va y vivre. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon. Buona ni mwema. Depuis que ce programme a commencé, qui a vu la gloire de Dieu? Tangu mkutano huu umeanza, nani ameona utukufu wa Mungu? Vous savez, la gloire de Dieu unajua utukufu wa Mungu est multiple. Inakuwa ya aina mbalimbali. Peut-être on va en parler demain. Sasa moja tutaizungumzia kesho. La gloire de Dieu utukufu wa Mungu vient parfois en physique. Mara inakuja kwa kimwili. Elle vient parfois en parole. Mara inakuja kwa neno. Elle vient parfois en mystère. Mara inakuja kwa siri. Elle vient de différentes manières. Na inakuja kwa aina mbalimbali. Si vous focalisez votre attention sur un seul aspect, ukitazama tu kipengele kimoja, vous risquez d'être déçu alors que Dieu vous a déjà octroyé une grande gloire. Unaweza kuvunjika moyo japokuwa Mungu ameshakupatia utukufu mkubwa. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. Mais la conscience de notre besoin de la gloire de Dieu est indispensable. Lakini kuwa na dhamiri ya hitaji yetu ya utukufu wa Mungu ni muhimu sana. Faire un pas de plus vers cette gloire. Kufanya hatua moja zaidi kuendea utukufu. Nous a montré le chemin Moïse lorsqu'il dit Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Na hii ndio aliyofanya Musa aliposema Bwana nionyeshe utukufu wako. Ainsi, il a déjà autant vu la gloire de Dieu. Na Musa anaposema hivi ameshaona utukufu wa Mungu ndani ya aina nyingi. Il a tellement d'expérience la gloire de Dieu. Ameishi utukufu wa Mungu namna nyingi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, jioni ya leo, nous voulons aborder la deuxième facette natamani kuzungumzia la gloire de Dieu dans la vie de ses bien-aimés. Wa utukufu wa Mungu ndani ya maisha ya wapendwa wake. Hier nous avons abordé, jana tulikuwa tukizungumzia la première facette, uso wa kwanza, la présence de Dieu, ambayo ilikuwa ni uwepo wa Mungu. Alleluia. Amen. La présence de Dieu, uwepo wa Mungu. Et nous avons vu trois aspects, jana tuliona nyuso tatu, ou trois effets, ama matokeo tatu, de la manifestation de la présence de Dieu dans notre vie. Ya kuonekana kwa uwepo wa Mungu maishani mwetu. Alleluia. Amen. Trois aspects. Tuliona nyuso tatu. Premièrement, ya kwanza, l'autorité ni mamlaka. Deuxièmement, le respect. Ya pili ni heshima. Troisièmement, la soumission. Na ya tatu inakuwa ni unyenyekevu. C'est-à-dire, ni kusema, quand la présence de Dieu est dans notre vie, wakati uwepo wa Mungu uko maishani mwetu, cette présence, uwepo huu, se manifeste, inaonekana, par l'autorité kupitia mamlaka qui apparaît dans notre vie. Ambayo inaonekana maishani mwetu. En réalité, ce n'est pas notre autorité fabriquée. Kwa kweli sio mamlaka ambayo tumejitengenezea. Ce n'est pas de l'arrogance. Hii sio kiburi. Il faut faire la différence entre l'arrogance et l'autorité. Inaomba kufanya utofauti kati ya majivuno na mamlaka. Quand Dieu est dans notre vie, wakati Mungu iko maishani mwetu, les choses commencent à se soumettre à nous. Mambo yanaanza kunyenyekea mbele zetu. Consciemment ou inconsciemment. Tuwe tunajua ama hapana. Et quand nous sommes ou nous arrivons à prendre conscience de cette autorité là, na wakati tunachukua sasa que Dieu nous a déjà octroyé, ambayo Mungu ameshatupatia tayari, alors sasa hapo, nous pouvons commencer à l'exercer. Tunaweza anza sasa kuyatumia. Exercer l'autorité reçue. Kutumia mamlaka uliopewa. Et l'autorité est du ressort de la responsabilité. Na mamlaka inatokea ndani ya jukumu. Dieu, Mungu, ne va pas te donner de l'autorité pour rien. Hata kupatia mamlaka kwa bure. Et l'autorité, na mamlaka, vient de Dieu. Inatoka kwa Mungu. Connaissez la parole dit toute autorité vient. Unajua neno linalosema kila mamlaka yatoka kwa Mungu. Qu'est-ce qui arrive que certaines autorités sont méprisées? Nini nafika wakati unaona wenye mamlaka wengi wana autorité, wanasarauliwa. Sababu kuna mamlaka na il mamlaka. Il faut qu'il y ait de la quintessence dans ton autorité. Inomba kuwe na du contenu dans ton autorité. Inomba muwe vitu vilivyo ndani ya mamlaka yako. Et la puissance d'une autorité, c'est son contenu. Inakuwa ile liyo ndani. Et cette puissance-là, na ile uwezo, les uns l'obtiennent du diable. Hein? Wamoja wanayondoa kwa shetani. Parce que le diable peut donner aussi de l'autorité. Sababu shetani naye anaweza kupana mamlaka. Le contenu de l'autorité que sorcier a, na inayokuwa ndani ya mamlaka ya mchawi, c'est la présence du diable. Inakuwa ni uwepo wa shetani dans sa vie. Ndani ya maisha yake. Mais le contenu de l'autorité que nous cherchons et dont nous parlons, na, lakini ile ambayo inakuwa ndani ya mamlaka tunayozungumzia na tunayoitafuta ni Yahweh Mungu. Bwana sifiwe. Hey, amen. Yahweh. Yahweh. Hallelujah. Amen. Nous avons vu également que la présence de Dieu dans notre vie tuliona pia ya kwamba uwepo wa Mungu maishani mwetu se manifeste par le respect. Inaonekana kupitia heshima. Les gens respectent. Watu wanatuheshimu. Et troisièmement par la soumission. Na ya tatu ni kupitia unyenyekevu. Hallelujah. Amen. Prenons la deuxième facette. Tuchukue uso wa pili. Du kabod de Dieu dans la vie de son bien-aimé. Ya utukufu wa Mungu ndani ya maisha ya mpendwa wake. La faveur. Inakuwa ni kibali. Sa faveur. Kibali chake. La faveur de Dieu. Kibali cha Mungu. Hallelujah. Amen. Sa faveur. Kibali chake. Quand vous lisez dans Ésaïe chapitre 43, unaposoma ndani ya kitabu cha Isaya 43, kitabu 46, 46, verset 3 à 5, mstari wake wa 3 hadi 5, regardez ça. Unaweza kutazama andiko hili. Il est écrit, imeandikwa, écoute-moi maison de Jacob, et vous tous restez la maison d'Israël. Vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine. Et que j'ai porté dès votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse. Je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait. Je vais encore vous porter. Vous soutenir. Et vous sauver. Amen. Amen. Je l'ai fait. Je vous ai donné faveur. Et jusqu'à votre vieillesse, je vais encore le faire. Je l'ai fait. Je vais encore le faire. Faire quoi? Kufanya nini? Je vais vous porter. Nitawabeba. Vous soutenir. Nitawasapoti. Et vous sauver. Na nitawaokoa. Jusqu'à votre vieillesse. Mpaka kwa uzee wenu. La faveur de Dieu. Kibali cha Mungu. Vous savez, la faveur de Dieu est terrible. Unajua kibali cha Mungu ni hatari. Parce que ce n'est pas la faveur d'un homme. Sababu hii sio kibali ya mwanadamu. Si le garçon du coin te donne sa faveur, kama ule kijana wa pale ndani ya kata yako anakupa kibali chake, tu peux regretter. Unaweza kujuta. Ou si le vieillard du quartier te donne sa faveur, ama kama mzee wa kata anakupa kibali chake, même si le chef de l'État te donne sa faveur, hata kama rais anakupa kibali chake, c'est encore aléatoire. Hii inakuwa ambayo ingali chini. Mais quand Yahweh te donne sa faveur, lakini wakati Yahweh anakupa kibali chake, Yahweh, j'ai ta faveur. Ninakuwa na kibali chako. Tout peut arriver. Mambo yote yanaweza kufika. De grave. Ya hatari. D'étourdissant. Ya kuogopesha. Regardez l'expérience d'Esther. Tazama ile ambayo Esther aliweza kuishi. Bwana sifiwe. Amen. Dans le livre d'Esther, ndani ya kitabu cha Esther, chapitre 4, sura 4, 14 jusqu'au chapitre 5 verset 8. 14 hadi sura 5 mstari wake wa 17. Un complot est déjà ourdi par Haman. Kuna njama ambayo imeshatayarishwa na Haman ambaye alikuwa mtu wa pili ndani ya nchi. Il a promis au roi une grande somme. Afin d'exterminer les Juifs. Il y a une kawangamise wa Yahudi wote. Parce que ces Juifs sont arrogants. Wanakuwa na majivuno. Ils veulent pas se soumettre à moi. Na hawapendi wanitii mimi ambaye nakuwa mtu wa pili ndani ya nchi. Et le roi a signé. Na mfalme akaweka sahihi. Et ce décret est publié. Na amrisho hili ikatangazwa. Il y a du deuil chez les familles juives dans tous les pays. Na kukakuwa kilio kwa majamaa yote ya Wayahudi ndani ya nchi. Et Mordekai vient dire à Esther. Na Mordekai anakuja kumwambia Esther. Usifikiri ya kwamba. Que c'est en vain que tu es arrivé à ce poste. À cette position dans le pays. Kwa hiyo cheo ndani ya nchi. Esther lui fait dire. Na Esther anamwambia. Dis au peuple de prier de jeûner pour moi. Wendo kambie taifa. Je vais jeûner moi aussi. Wafunge na waniombe. Avec mes filles. Nitafunga pamoja na binti wangu. Et je vais entrer chez le roi. Na nitaenda kwa mfalme. Il n'est pas permis d'y entrer sans que le roi vous appelle. Hairuhusiki uingie huko bila ruhusa ya mfalme. C'est-à-dire, il n'est pas permis ni kusema hairuhusiwi que vous apparaissiez devant le roi wendo ka onekane mbele ya mfalme sans qu'une faveur vous ait été exprimée. Bila kuwa na kibali ambacho umepewa. Suivez-moi attentivement. Munifuate kwa makini. Qu'est-ce que tu fais, Esther? Unafanya nini, Esther? Je n'ai pas la faveur du roi maintenant. Sina kibali ya mfalme kwa sasa. Mais je connais là où il y a la faveur supérieure. Lakini najua mahali ambapo kuna kibali cha juu. Je vais jeûner pendant 3 jours. Nitafunga muda wa siku 3. Je vais chercher la faveur supérieure. Na nitatafuta kibali kilicho juu. Je vais chercher la faveur suprême. Nitatafuta kibali kilicho juu ya yote. Elle se mit à prier avec ses filles. Akaanza kuomba pamoja na binti zake zake. La prière également. Na Mordekai naye ameshambia taifa wote waombe. Siku 3 baadaye. Elle a pénétré le trône. Akaingia kwenye kiti cha mfalme. Elle avait dit à Mardochée, alimwambia Mordekai, si on doit me tuer, kama unapaswa kuniua, je meurs. Nitakufa. Je suis d'accord. Ninakubali. Elle apparaît nanaonekana dans la chambre du roi, dans le lieu du trône. Ndani ya ofisi ya mfalme. Comme elle a déjà obtenu la faveur supérieure. Sababu ameshapata kibali kilichotajwa. La faveur de Yahweh. Kibali cha Mungu. La faveur du Dieu de l'univers. Kibali cha Mungu wa ulimwengu. La faveur du garant de l'existence. Kibali cha ule anayeshikilia maisha yote. Celui qui tient la mort et le séjour des morts. Ulabana shikilia kifo na milango ya Hadesi. Écoutez. Sikiliza. Quand tu as cette faveur, wakati una kibali hicho, même si les sorciers de votre village, hata wachawi wa plus les sorciers de la ville de Goma, là où tu habites, na wachawi wa mji wa Goma wote, associés à leurs associés, wakiongezeka se sont décidés de te tuer avant le 31, wamekuwa wameamua kwamba utakufa mbele ya tarehe 31. Donc il est écrit, unapata kibali cha Mungu ambao maandiko juu yake. Il tient le séjour des morts, il tient la vie et le séjour des morts. Anashikilia kifo na milango ya kifo. Ils vont essayer de te manger. Watapima kukukula. Tu ne seras pas comestible pour eux. Na hautaweza kukuliwa pamoja nao. Même si tu mets dans la marmite. Hata wanakutia ndani ya chungu. Hautaivia. Alléluia. Hautaivia. Na bakipenda kukuluma utakuwa buchungu. Amen. Vous savez, les sorciers souffrent. Unajua, ils ne vous disent pas les expériences qu'ils connaissent quand ils sont aussi les chrétiens. Mais quel est le problème? Lakini shida ni gani? La faveur. Kibali. Et le roi lui tend à Esther le sceptre. Na mfalme anaonyesha fimbo kwa Esther. Anamwambia kuja. Vous connaissez l'histoire de na tout ce qui s'est passé. Na yote jusqu'à ce que Haman mpaka wakati Hamani est pendu à Soboa. Akatundikwa kwenye jusqu'à ce que les décrets qui avaient été faits signés par Haman sont récoltés dans le pays, jusqu'à ce que le roi dit à Esther, voici le cachet, allez écrire ce que vous voulez. Quelqu'un va écrire ce qu'il veut lorsqu'il obtient la faveur de Dieu. Écrivez ce que vous voulez. Mwandike ile ambayo mnataka. Écris. Andika. C'est la licence. Umepata. Écris ce que tu veux. Umepata ruhusa. Andika hilo yote unayotaka. Vous avez la faveur de ce Dieu des cieux. Unajua kibali cha Mungu wa mbingu. C'est une richesse plus que les milliards du Congo. Inakuwa ni utajiri kushinda bilioni ya Congo. On peut te donner toutes les richesses de la RDC. Wanaweza kupatia utajiri wote wa Congo. Et on donne à un autre la faveur de Dieu. Tu vas courir avec les richesses du Congo, tu viendras donner ça à celui qui a la faveur de Dieu. La faveur de Dieu est en train d'attirer. La faveur de Dieu est puissante. Kibali cha Mungu kina uwezo. La faveur. Kibali. Quand tu manques la faveur des êtres humains, va chercher la faveur de Dieu. Wende tafuta kibali cha Mungu. Tout le monde peut t'abandonner. Kila mtu anaweza kukuachilia. Cours chez Dieu. Kimbilia kwa Mungu. Obtiens la faveur de Dieu. Pata kibali cha Mungu. Il va provoquer des solutions. Na ataleta majibu. Selon qu'il est écrit, kufuatana na il appelle de l'Orient un oiseau de proie. Ana ita l'homme kutoka qui accomplira ses volontés. Tai. Mutu atakayetimiza mapenzi yake. Dieu peut provoquer les solutions. Mungu anaweza kuleta majibu. Simplement parce qu'un individu sababu kuna mtu a moja obtenu sa faveur. Amepata kibali chake. Sa faveur. Kibali chake. Je parle la faveur comme facette de la gloire de Dieu dans notre vie. Quand tu constates qu'un frère, une sœur, chaque chose qui touche marche, chaque chose qu'il veut arrive, sache que cet homme, cette femme a obtenu une faveur. Ule mwanaume, ule mwanamke amepata kibali, kuna kibali juu yake. Or la faveur ijapokuwa kibali se manifeste aussi en plusieurs aspects. Inaonekana kwa nyuso nyingi. Je vais juste partager sur trois aspects. Na nitaongelea tu viwango tatu. Quand Dieu te donne sa faveur, wakati Mungu anakupa kibali chake, cette faveur là kibali hiki est un engagement divin envers toi. Inakuwa ni kujitolea kwa Mungu mbele zako. La faveur de Dieu, kibali cha Mungu, c'est un engagement. Inakuwa ni kujitolea. En d'autres termes, kwa maneno mengine, à la fin de trois jours de prière d'Esther, kisha siku tatu ya maombi Dieu s'est engagé avec Esther, Mungu akajitolea mbele ya Esther, pour sauver le peuple d'Israël. Kwa ajili ya kuokoa taifa la Israeli. La faveur de Dieu, kibali cha Mungu, c'est un engagement de Dieu. Inakuwa ni kujitolea kwa Mungu mbele zako. Cherche à ce que Dieu s'engage avec toi. Utafute Mungu ajitolee mbele zako. Autrement dit, kwa maneno mengine, quand j'ai obtenu la gloire de Dieu vient dans ma vie, wakati nimepata utukufu wa Mungu inakuja maishani mwangu, cette gloire là en matière de faveur, kufuatana na kibali, engage Dieu. Inamtoa Mungu. Ça engage Dieu envers moi. Inamtia Mungu ajitolee mbele zako. Aimutoe. Ça fait longtemps, hein, frère. C'est pas facile d'interpréter pendant 15 jours. Simon Mubariki. Alléluia. Alléluia. Et la faveur de Dieu sur lui. Hein? Hey. Demandez-lui. Hey. la faveur. Kibali. Je disais la faveur kibali, se manifeste premièrement mara ya kwanza, par l'engagement divin envers l'homme. Kupitia kujitolea kwa Mungu mbele ya mwanadamu. Alléluia. Amen. Dans Esaïe 46, 3 à 5, j'ai mentionné ça. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait. Je vais encore porter, soutenir et délivrer. Ça dit, je suis engagé envers toi. Maintenant, regardez. Tu sors la nuit. Il n'y a pas de courant. Et il y a des sorciers qui sont en train de danser dehors. Je ne sais pas s'ils dansent ou s'il faut quoi là. Dans le passé, on disait ils dansent les pieds en l'air, la tête en bas. Mais comme tu as la faveur de Dieu, qui signifie que Dieu a un engagement avec toi? Et que ces gens ont toujours dit, si tu nous vois nus, tu vas mourir. Mais toi, tu as un engagement de Dieu. Dieu est engagé avec toi. Est-ce que l'engagement ou la décision des sorciers va marcher? Ils vont se retrouver paralysés. Étourdis. Incapable de bouger. Pourquoi? Sababu gani? C'est pas juste la présence, c'est un engagement. Haiko tu uwepo inakuwa ni kujitolea. Dieu est résolu avec toi. Mungu anajitolea mbele zako. C'est pourquoi je vous ai dit la gloire de Dieu. Ndio maana niliwaambia utukufu wa Mungu. N'est pas une photo de Dieu dans notre vie. Haiko picha ya Mungu maishani mwetu. C'est Dieu lui-même. Ni Mungu yeye mwenyewe. Avec son intelligence. Pamoja na akili yake. Avec ses résolutions. Pamoja na mawazo yake. Avec toutes ses capacités. Pamoja na avec sa volonté. Pamoja na dans tout son être. Ndani ya ile yote ambayo iko ndani ya utu wake wote. Il est vivant. Iko hapa, iko hai. Iko wa kweli. Et quand il t'arrive de pénétrer une zone difficile, il y a des lions et la faveur de Dieu sur toi. Les lions vont avoir sommeil. Et tu vas avoir peur que les lions. Et puis les lions, lui, il dort. Et tu passes, il dort. Les lions n'auraient pas vu que quelqu'un qu'on peut manger vient de passer. Parce que l'engagement de Dieu t'accompagne. Il est engagé avec toi. Il est écrit ne permettra pas que ton pied heurte contre une pierre. Pourquoi? Il est engagé avec toi. C'est un engagement. Vous savez, quelquefois, tu as fait un test. Et ça n'a pas marché. Tu n'as pas bien répondu. Mais quand Dieu est engagé avec toi, tu vas toucher les sélectionnaires. C'est un engagement. Il a dit jusqu'à votre vieillesse, je vous ai porté, je vais encore vous porter. Et Dieu va t'imposer. Il va t'imposer. Parce que tu as la faveur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans Esaïe 43, il est écrit, verset 3 et suivant, parce que tu as du prix à mes yeux, que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Vous voyez? Je t'aime. Je te donnais ma faveur. Je suis prêt à frapper à cause de toi. C'est pourquoi ne touchez pas Amen. Dio mane mani kwa musiguse wa pakaliwa wangu. Musiguse wa pakaliwa wangu. Touchez pas à mes joints. Musiguse wa pakaliwa wangu. Il y a quelqu'un qui a un engagement avec moi. Kuna mtu ambaye amejitolea mbele zangu. C'est quelqu'un on l'appelle omniprésent. Na huyo wanamuita anakuwa nafasi zote. Quand toi tu penses que tu me pièges. Wakati unawaza wewe uko na nitilia mtego. Il n'a pas seulement vu le piège que tu as placé. Hakuona tu ile mtego ambao aliweka. Il a vu le piège quand le piège était dans ta tête. Aliona ile mtego wakati ilikuwa ingali kichwani mwako. Avant même que tu le poses. Mbele hata haujai Il faut avoir la faveur d'un Dieu comme ça. Tu as la faveur de quel genre de Dieu? Sasa wewe uko na kibali cha Mungu wa aina gani? Tu peux avoir la faveur d'un chef d'armée. Unaweza kuwa na kibali cha msimamizi wa jeshi. Mais il n'est pas omniprésent malheureusement. Lakini haiko nafasi yote bahati mbaya kwako. On peut t'attraper à son absence. Wanaweza kukubana wakati yeye haiko. Même quand il peut poser ou poster des militaires chez toi à la maison et partout et dans ta voiture. Hata wakati anaweza kuwaweka askari nyumbani kwako ndani ya gari yako. Le soldat peut somnoler dans la voiture. Ule askari anaweza kusinzia ndani ya gari. Et on t'attrape. Na kisha wanakubana, wanakufunga. Est-ce que vous voyez ça? Je mnaona hii. Ameso garde du corps alikuwa amo. Sasa alikuwa na walinzi wake. Et puis bakakwe bafungula mula bakamtosha. Et puis on est venu, on a ouvert la porte, on l'a pris. Qu'est-ce qui s'est passé? Où le mlinzi alikuwa kimya amesha sinzia. Frère sœur, ndugu dada na kaka. Il faut avoir la faveur de Dieu. Inaomba uwe na kibali cha Mungu. L'engagement de Dieu. Kujitolea kwa Mungu. Tu as autre engagement? Unakuwa na kujitolea kwa wengine. Hiyo haina nguvu. Ce n'est pas efficace. Hiyo haina nguvu. Maintenant, regardez l'engagement de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Parce que lorsque tu as la faveur de Dieu, cette faveur-là couvre les aspects de ta vie. Et la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie par cette engagement de Dieu envers toi. Ta vie est glorieuse. Pourquoi? Parce que Dieu est engagé avec toi. Il y a des choses qui se passent avec toi qui étonnent. C'est juste l'émanation de Yahweh. C'est glorieux. C'est Dieu. Quand le voisin te dit: quel est ton secret? Jirani anapokuambia siri yako ni gani? Oui, c'est la faveur de Dieu. Unamwambia hii ni kibali ya Mungu. C'est la faveur. Kibali cha Mungu. C'est la faveur. Niko pamoja na kibali ya Mungu. Et les gens t'admirent. Na watu wanakufurahia. Et les gens t'envient. Na watu wanakutamani. En fait, les gens désirent ce qu'ils constatent chez toi. Watu wanatamani ile unayoona. Les gens désirent cette gloire qui constate. Watu wanatamani ile utukufu unayoona ndani yako. Mais ils ne savent pas décrire qu'est-ce que c'est. Lakini hawajui kufasiria hili. Tout ce qu'ils savent, c'est toi qu'ils connaissent. Yote wanayoijua. Mais les choses qu'ils constatent avec ta vie. Lakini mambo wanayochunguza maisha yako. Ils ne savent pas ça vient de quoi. Hawajui inatokea wapi. Lakini wewe unajua. Tu es allé chez Dieu. Ulienda kwa Mungu. Tu as passé deux semaines de grâce et ulipitisha wiki mbili ndani ya neema isiyo na kipimo. Mbele ya kiti cha enzi cha Mungu. Et il t'a donné sa gloire. Na kisa akakupatia utukufu wake. Elle se manifeste par sa faveur. Na hii inaonekana kupitia kibali chake, kujitolea kwake mbele zako. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Dans Psaume 89 verset 21 à 38. Ndani ya kitabu cha Zaburi 89. Dieu donne sa faveur à David. Mungu anapatia kibali chake kwa Daudi. Il est écrit. Imeandikwa. Au verset 21, j'ai trouvé David. Kwa Shaili la 21 nimempata. Homme selon mon serviteur. Mtumishi wangu. Je l'ai oint de mon huile sainte. Mafuta yangu takatifu. Ma main le soutiendra. Mungu wangu utamsupport. C'est ça que Dieu montre comme engagé. Il s'engage, je m'engage. Mungu anajitolea. Que ma main te soutiendra. Ya kwamba mkono wangu. C'est un engagement. La faveur. Kibali. Ma main le soutiendra. Mkono wangu tamsupport. Mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. Adui hata mshitukia. J'écraserai devant lui ses adversaires. Nitaangamiza mbele zake. Je frapperai ceux qui le haïssent. Nitawapiga wote wanaomchukia. Je mettrai ma main sur la mer. Nitaweka mkono wangu juu ya bahari. Je ferai de lui le premier né le plus élevé des rois de la terre. Na nitamfanya mzaliwa wa kwanza. Je conserverai ma bonté. Je punirai des verges les transgressions. Nitaweka wema wangu juu yake. Je lui retirerai pas ma bonté. C'est un engagement. Je t'ai offert ma faveur. Voici mon engagement. Que Quelqu'un peut passer à revue je kuna mtu anaweza anza les kuangalia. Choses dont tu voudrais que Dieu s'engage avec toi. Mambo ambayo ungehitaji Mungu ajitolee kufanya pamoja na wewe. Seigneur. Oh Bwana. Tu peux t'engager na mie pia. Tu peux t'engager aussi avec moi. Vous voyez? Si Dieu doit s'engager avec toi, tu peux mettre quoi dans la liste? Kama Mungu anaweza kujitolea kwa ajili yako, unaweza weka nini ndani ya horoza? Ce soir, jioni ya leo, chacun va faire la liste si vous l'avez pas encore fait. Kila mtu atafanya horoza. De tes requêtes pour 2020. Ya mahitaji yake kwa ajili ya mwaka wa 2020. Demain on va commencer à prier pour ça. Na kesho tutaanza kuiombea. Et ce chapitre nous aide à comprendre. Na sura hii tusaidia tuelewe. En fait, qu'on a besoin de cette faveur pour 2020. Tunahitaji kibali hiki kwa ajili ya mwaka wa 2020. Seigneur, je voudrais ta faveur. Bwana nahitaji kibali chako. Ndani ya hiki, ndani ya hiki, ndani ya kile. Et le dimanche, je vous rappelle, na, siku ya Mungu na wakubusha, ce dimanche, Jumapili, nous préparons notre offrande d'action de grâce. Tunatayarisha sadaka yetu ya parce qu'il y a eu des choses que nous lui avons dit pour 2019. Sababu kuna mambo tuliyomwambia kwa 2019. Et il les a fait. Il les a accomplis. Dimanche, j'apporte une offrande pour dire Seigneur merci. Na kisha siku ya Mungu nitaleta sadaka ili nimwambie Bwana asante. À l'Éternel offre la reconnaissance. Mtolee Bwana shukurani. Dit les écritures. Yasema maandiko. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La faveur. Kibali. La faveur de Dieu. Kibali cha Mungu. Ha. Regardez. Tazama. Dans Luc 22:29. Ndani ya Luka 22:29. Luc 22. Luka 22. 29. 29. Il est écrit au verset 28, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume à votre faveur. Comme mon Père en a disposé en ma faveur. J'ai obtenu la faveur de mon Père. Nimepata kibali cha baba yangu. Dieu m'a donné la faveur de son royaume. Mungu amenipatia kibali cha ufalme. Et comme vous avez persévéré avec moi dans mes épreuves, à mon tour, je dispose le royaume à votre faveur. Il y a des choses que Dieu est prêt à disposer à notre faveur pour 2020. Je m'engage avec vous. Je m'engage de disposer ça, ça et ça à votre faveur. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? À votre faveur. La deuxième facette, la faveur, c'est l'alliance. L'alliance. Regardez ce texte que je vous cite, vous pouvez le lire. Vous pourrez lire certains. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Psaume chapitre 106 verset 45. Zaburi 106 mstari wa 100. Il est écrit se souvint en la faveur de son alliance. Imeandikwa akakumbuka kwa ajili ya kibali yao na agano lao. Et il lui pitié selon sa grande bonté. Na akawasikilia huruma kufuatana wema wake mkubwa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit à Abraham. Mungu anamwambia Abraham. Genèse 17:2. Ndani ya mwanzo j'établirai mon alliance. Nitaweka agano langu. Et ici j'aime. Na hapa napenda. Dieu dit. Mungu anasema. J'établirai mon alliance. Nitaweka agano langu. Entre moi. Kati yangu. Et vous. Na nyinyi. Il commence par lui-même. Anajianzia kwa yeye mwenyewe. Je vais établir mon alliance. Nitaweka agano langu. Entre moi-même. Kati yangu mimi mwenyewe. Et toi. Pamoja na wewe. Pas entre toi et moi. Hapana kati yako na mimi. Parce que c'est moi qui vais porter le plus grand poids de cette alliance. Sababu mimi ndimi nitabeba uzito mkubwa wa hii agano. Et comme je le ferai ainsi entre, toi, entre moi et toi, Abraham, je te multiplierai à l'infini. Nitakuzidisha bila mwisho. À l'infini. Nitakuzidisha bila Abraham mwisho. Multiplié à l'infini. Abraham wanamuzidisha bila mwisho. Sababu gani? Parce que à t'accordant ma faveur. Sababu ninapokupatia kibali changu. Et te faire partie de Ur en Chaldé. Nani kuondosha utoke Uri hadi Chaldé. Pour te donner un pays. Ili nikupatie inchi. Je t'ai donné ma faveur. Nimekupatia kibali changu. Mais cette faveur là. Lakini kibali hicho. Se manifeste. Inaonekana. Par mon alliance avec toi. Kupitia agano langu pamoja na wewe. Toi Abraham. Wewe Abraham. Et moi. Na mimi. Nous devenons des alliés. Tunageuka wanaoungana. Et entre les alliés. Na kati ya wanaoungana. Celui qui est faible. Ulambaye ni zaifu. Est complété par celui qui est fort. Anajazwa na nguvu na ule ambaye iko na nguvu. Or il est évident. Ijapokuwa inaonekana ni kweli. L'homme est faible. Mwanadamu Abraham est faible. Abraham ni zaifu. Abraham est limité. Abraham ana mipaka. Déjà à cause de la beauté de sa femme. Sasa kupitia hata na urembo wa mke wake. Il a menti. Akaanza kusema uongo. Que c'est pas sa femme. Ya kwamba sio mke wake. Il est faible. Ni zaifu. Et ce roi étranger voulait prendre sa femme. Na mfalme wa nchi nyingine alitafuta kutoa mke wake. Vous savez ce qui est arrivé. Na mnajua iliyofika. Dieu a dit. Mungu akasema. Ça ne se fait pas. Hii haifanyikake. Abagusake. On touche pas là-bas. Tu peux prendre toute autre femme. Unaweza kamata kila mke. Hapana huyu. Mais pas celle-là. Huyu ni wa watu. Celle-là appartient à quelqu'un d'autre. Et moi j'ai un engagement avec. Na mimi nimejitolea pamoja na ule mtu. Avec ces messieurs là. Ninakuwa na gano pamoja na mtu. Même quand il a menti. Hata wakati yeye alisema uongo. J'ai un engagement avec lui. Nimejitolea pamoja naye. Tu ne touches pas. Hapa uguse. Allez, va lui demander pardon. Wendo kama mme msama. Mais c'est lui qui a dit que c'est sa sœur. Si ni yeye ndiye aliyesema kwamba ni dada yake. Je lui donné la dot. Na mimi natafuta kumpatia mali. Hapana. Dieu lui dit non. Hapana. Non. Biashara ya huu baba. Les affaires de ses papa ici. Ni mimi ndio mimi nahusika. C'est moi qui s'en occupe. Nahusika. C'est moi qui m'en occupe. C'est moi qui sais que c'est pas de sa sœur. Na mimi ndimi najua ya kwamba si dada yake. S'il a dit que c'est sa sœur. Kama alisema ni dada yake. C'est une bêtise qu'il a commise. Alifanya kosa. Mais en vertu de mon engagement avec lui. Lakini kufuatana na kujitolea kwangu pamoja na yeye, hugusi. Tu touches pas. Hapana kugusa. Et une plaie éclate. Na kuna pigo ambalo linatokea. Et le roi vient voir Abraham. Na mfalme anakuja ona Abraham. Qu'est-ce que tu m'as fait? Umenifanyia nini? À peine j'aurais pris, j'ai failli prendre ta femme. Tu as dit que c'est ta soeur. Oh non, j'ai constaté. Ma femme, tu vois ma femme là. Elle est vraiment belle. Quoi. Et je savais que vous n'avez pas d'éthique ici. Non, tout de suite, vous allez me tuer pour prendre ma femme. Alors pour me sauver, j'ai dit que c'est ma soeur. Et même les avances de d'autres avaient déjà commencé. Beaucoup de présents. Zawadi nyingi. Il y a des gens qui ne supportent pas les belles femmes quoi. Kuna watu ambao wavumiliake wanawake warembo. Qui t'a dit que toute belle femme sera à toi? Nani alikwambia kwamba kila mwanamke mrembo atakuwa wako? Et vous qui êtes belle. Nani ambao mko warembo? Qui vous a dit que vous êtes la femme de tout le monde? Nani aliwaambia kwamba nyinyi ni mke wa kila mtu? Qui t'a dit que la beauté que Dieu t'a donnée c'est du biashara, c'est un commerce à biashara. Kwamba ile urembo ambao Mungu amekupatia ni biashara ama uchuruzi. Ni biashara. Est-ce que ce sont les affaires? C'est comme ça que Dieu avait parlé. Mungu alisema hivyo. Je t'envoie sur la terre. Nakutuma duniani. Je te rends belle. Ninakufanya mrembo. Alors fais biashara. Alors fais le commerce avec. Depuis quand? Tangu siku gani? OK, on ferme la parenthèse. Tunaacha maneno hili. Dieu dit, Mungu anasema, j'ai un engagement avec Abraham. Nimejitolea pamoja na Abraham. Tu ne peux pas toucher. Na uwezi kugusa. Et si tu touches, tu as des ennuis. Na ukigusa kabisa utapata malipizi. Que ceux qui te touchent commencent à avoir des ennuis. Acha ile na kugusa ianze kuteseka. J'ai dit que ceux qui te touchent commencent à avoir des ennuis à partir de maintenant. À cause de la faveur de Dieu. Sababu ya kibali cha Mungu. L'engagement divin. Kujitolea kwa Mungu. L'alliance de Dieu. Agano la Mungu. Vous voyez, je vous ai dit il y a quelques années. Najua nimewambia kuna miaka zilizopita. Conclure des alliances individuelles avec Dieu. Tufanye maagano ya kipekee ya binafsi pamoja na Mungu. Dieu est en alliance avec toi. Wakati Mungu anakuwa na agano pamoja na wewe, kuna mambo. Qui ne va pas tolérer. Ambao hatavumilia. Que ça t'arrive. Ya kufikie. Il va pas permettre. Hata ruhusu. Il va dire huyu hapana. Atasema celui-ci non. Huyu ni wangu. Celui-ci m'appartient. Hautagusa. Celui-ci m'appartient, tu ne vas pas toucher. C'est mon allié. Huyu anakuwa ule aliyeungana. Huyu wangu hata kufa njala. Celui-ci qui m'appartient ne va pas mourir de faim. Il va donner des ordres à des individus pour te nourrir. Na atapana agizo kwa watu wengi ili huyu wangu hata kosa kitu. Celui-ci qui m'appartient ne manquera de rien. C'est mon allié. Sababu ameungana nami. C'est mon allié. Ameungana nami. Demande au voisin, toi tu es allié avec qui? Uliza jirani yako, wewe umeungana na nani? Eh, avec ton oncle? Pamoja na mchumba wako? Ou ton ancien copain? Ama na ule mchumba wako wa zamani? Eh? Quel est ton allié? Ule ambao unaungana naye ni nani? Moi je suis allié avec Yahweh. Mimi ninaungana pamoja na Yahweh. Allié de l'Éternel. Ninaungana pamoja na Mungu. Et il a un engagement avec moi. Na najitolea pamoja nami. C'est pourquoi il est écrit, c'est lui qui vous touche. Touche à la prunelle de son œil. Seigneur, la prunelle de ton œil, tu balances ça partout. Mon œil est sur ceux qui me craignent. Mon œil est sur mes alliés. Tu touches à mon allié. Avant de l'atteindre, tu passes par ma prunelle. Donc, ceux qui sont en allié avec Dieu vivent derrière l'œil de Dieu. Est-ce que vous voyez là où vous êtes? Tu vois la prunelle de l'œil. Hein? Pour te toucher, on a déjà touché la prunelle. Donc, tu es là derrière. Quelle sécurité, quoi. Ah, quelqu'un acclame le Seigneur. Quelqu'un acclame le Seigneur. Je suis son allié. Mimi nimeungana naye. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Et lorsque nous sommes son allié, lorsque cet allié se manifeste dans notre vie, na wakati ule anayeungana nasi anaonekana maishani mwetu, notre vie rayonne de la gloire. Maisha yetu yanakuwa ya king'aa utukufu. Watu wanatambua ya kwamba mtu kama utukufu. La vie de cette personne ici. Il y a la gloire dedans. Au point même quand tu viens auprès de quelqu'un. Hata wakati unakuja karibu na mtu. Ou tu commences à fréquenter quelqu'un. Ama unaanza kumzoea mtu. Ta faveur là. Kibali chako hicho. Cette gloire de Dieu là. Ile utukufu wa Mungu. Commence à le contaminer. Inaanza kumuambukizia. Regardez les disciples de Maus. Tazama wale wanafunzi wa Emmaus. Ils disent quand ils commencent à constater que Jésus vient de partir. Ils viennent de disparaître de leur table. Qu'est-ce qu'ils disent? En fait, nos cœurs ne brûlaient-ils pas quand ils parlaient? C'est-à-dire, les disciples de Maus sentaient que quelque chose se passait. Il y a un passager, un homme, un compagnon de voyage, de route. On est en train de causer, discuter. Mais quelque chose se passe. Mais ils sont tellement voilés. Lakini ils ne se rendent pas compte que c'est le Messie dont ils parlent. Quelque chose se passe. Kuna kitu kinapitikana. Et quand il rend le pain. Na wakati ana mega mkate. C'est de lui. Il est ressuscité. Amefufuka. Dans la gloire. Dania utukufu. La gloire, utukufu. La faveur de Dieu, kibali cha Mungu. L'alliance de Dieu, agano la Mungu. Lorsque tu es dedans, wakati umo ndani, ça va contaminer itambukizia ta femme, mke wako, tes enfants, watoto ton wako, entourage, ta progéniture. Ça va wako, affecter itagusa ton environnement. Mazingara c'est yako. Pourquoi il est écrit, la création soupire umbaji unatamani après la manifestation des fils de Dieu. Unasubiri kuonekana kwa wana wa Mungu. Pourquoi? Sababu gani? La création veut profiter. Sababu umbaji unatamani ufaidie. De notre gloire. Utukufu wetu. De notre alliance. Ufaidie agano letu. De l'engagement de Dieu avec ya nous. Ya kujitolea kwa Mungu pamoja nasi. Vous voyez? Unaona? l'environnement de Goma. Mazingara ya Goma. Est en train de devenir beaucoup beaucoup plus belle. Iko na kuwa nzuri zaidi. Il semble que même les autres provinces commencent à vieillir Goma. Na nikiwaza jimbo ingine naanza kutamani Goma. Mais on a un beau voisin ici à côté. Lakini tuna jirani mzuri hapa karibu hapa. Vous le connaissez? Mnajua ule jirani? Comment il s'appelle? Anaitwa nani? Et il y a un autre voisin. Na kuna jirani mwingine huko chini. Dada kabisa. Bari. Le gaz. Si le gaz veut sortir pour nous finir ici, ça nous finit dans quelques minutes. Kama gaz natoka tu pale tu maliza. Apena tu maliza sisi sote. Le gaz est sorti en Ouest Africain là-bas. Ça a fini les gens. Gaz iliondoka kule West Africa na ikamaliza watu. On a ça aussi. Lakini nasi tunayo hapa. Nous sommes entre le marteau et l'enclume. Na sisi tunakuwa kati ya hama na mahali ambapo wataipigia. Il faut de la faveur de Dieu. Na msumari na inaomba kibali cha Mungu. Pour que Nyiragongo nous respecte. Ili Nyiragongo atuheshimu. Et que le jour où il rougit là-dedans, il commence à bouillonner, dit je vais sortir. Na siku anapongua humo ndani kabisa que le tenet dit, sinika nasema natafuta kutoka. Bwana anasema, Nyiragongo, ewe baba Nyiragongo, calme-toi. Nyamaza. Il y a des gens qui ont ma faveur là en bas. Kuna watu wana kibali changu huko chini. Il y a une fille, ma fille là, je lui ai béni avec une maison. Kuna binti wangu huko. Tu ne vas pas brûler sa maison. Na nyumba na hautaunguza nyumba yake. J'ai arrangé son quartier, on a mis le goudron. Nimetengeneza kata yake na wameweka barabara nzuri. Hautashuka huko. Sasa la fois passé j'habitais sur avenue Nyiragongo. Unajua wakati uliopita nilikuwa nikiishi kwenye barabara Nyiragongo huko office. Et Nyiragongo est venu sur l'avenue Nyiragongo. Na Nyiragongo ikakuja kwenye barabara ya Nyiragongo. Jusqu'au lac. Mpaka kwenye bahari. Je me suis dit pourquoi on avait donné ce nom à cette avenue. Nikasema sababu gani walipatia hii jina hii barabara? Il est passé sur son avenue. Na ikapita kabisa kwenye barabara yake. Les voisins que nous étions, na wajirani ambao sisi tulikuwa tukalipa bei. Les maisons disparues. Ma nyumba zikatoweka. Le quartier a augmenté de hauteur. Na kate kapanda juu. 6 mètres. Kapanda mita 6. Mais quand Dieu distille sa faveur lakini wakati Mungu sur les êtres humains dans la ville de Goma, ya watu, ndani ya mji wa Goma et que nous devenons de plus en plus nombreux na tunakuwa wengi zaidi, sur qui la faveur de Dieu réside ambao kibali cha Mungu kinaketi sur qui Dieu est engagé ambao Mungu anajitolea kwetu. Il y a des choses mambo, que Dieu ne va plus permettre ambao Mungu hataruhusu tena. Il va pas permettre. Hata ruhusu. Il va dire tu touches pas. Anasema usiguse. Il va dire gaz. Anasema gaz. Descend plus profondément. Ushuke tena ndani. Samaki zipande yulu. Et que les poissons montent au-dessus. Tanja kula hizo za kubwa hizo. Et nous commençons à manger les gros poissons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La troisième manifestation de la faveur de Dieu, c'est la complicité. Complicité, on est complice avec lui. Dieu devient notre complice. Amen. Le psalmiste dit ceci. Mwimbaji wa Zaburi anasema hivi. Psalm 14:8. Zaburi 114:1-8. Je lis le verset 1-2. Naosoma mstari wa kwanza. Quand Israël sortit d'Égypte. Israeli alipotoka. Quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare. Wakati nyumba ya Yakobo ilienda mbali. Juda devint son sanctuaire. Yuda akageuka Israël devint son domaine. Na Israeli akageuka makao yake. Israël devint son domaine. Israeli akageuka uwanja wake. Il devait son domaine. Akageuka uwanja wake. Tu peux devenir le domaine de Dieu. Unaweza kuwa uwanja wa Mungu. Et quand on a son domaine, na wakati unakuwa na uwanja wako, on vient dans ce domaine à tout moment. Unakuja ndani ya ile uwanja kila wakati. Tu veux que Dieu vienne tout le temps chez toi? Unapenda Mungu akuje kwako kila wakati? Deviens son complice. Uwe rafiki wake wa ndani. Complice avec Dieu. Rafiki wa ndani pamoja na Mungu. Son complice. Rafiki wake wa ndani. Tu as du prix à mes yeux et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place. Ça dit, comme tu es mon complice, je suis prêt à tuer des gens pour toi. et des peuples pour ta vie. Je suis prêt à éliminer des gens, même des peuples, pour toi, kwa ajili yako. Complice. Rafiki wa ndani. Bwana asifiwe. Amen. J'étais au Maniema à 94 jusqu'à 97. Nilikuwa kwa mwaka là-bas. Wa makumi tisa na ine hadi makumi tisa na saba kama missionnaire huko. Il y a un moment on a invité, nous avons eu une retraite et nous avons invité un vieux serviteur de Dieu. Na kwa wakati moja tulikuwa na kipindi ya maombi tukamwalika mtumishi wa Mungu mzee moja. Le pionnier de l'évangile au Maniema. Ambaye alikuwa kabisa nguzo ya injili pa Maniema. Et il est venu pour nous entretenir dans notre retraite. Na akakuja ili aweze kutuhudumia ndani ya kipindi chetu cha maombi. Comment il est rentré comment il est entré au Maniema? Na akatuambia namna gani alipofika Maniema. Par le sud. Kupitia ngambo ya chini Kindu. Mpaka pa Kindu. Et au début de son entrée dans cette zone là qui était islamisée, vous savez, Ngongo Lutete, Rumaliza, vous connaissez ça, non? Na alipoingia ndani ya eneo hili ambalo alikuwa anajaa waislamu. Et que c'était le stronghold, na le fortress, ilikuwa ngome. On pourrait dire il y avait deux religions, l'animisme et l'islam. Ni kusema kulikuwa huko dini mbili. Et Jésus, on a parlé pas, on ne savait pas. Na Yesu walikuwa wamzungumzie, walikuwa wajui nini. Et lui apporte Jésus dans la zone. Na kisha yeye analeta Yesu ndani ya eneo hili. C'est essentiellement la forêt. Inakuwa tu ni pori. Bwana sifiwe. Amen. Il a prêché dans un village où il habitait. Akahubiri ndani ya kijiji alichokaa ndani. D'abord quand il est arrivé dans un premier village. Kwanza alipofika ndani ya kijiji cha kwanza. Et il a commencé à parler de ce qu'il disait. Na alipoanza kuzungumzia ile ambayo alikuwa anasema juu ya Yesu. Le villageois dit mumutilie pale atalala mwile na veranda ya mu village. Wakati lui, il avait je crois deux enfants, mettez-les là comme ça on va voir si sera encore là demain. Wakaji wakasema mtie pale tuone kama atakuwa tena kesho. Ça dit les lions vont les manger. Ni kusema ile wasimba utamkula. De ces milieux même des lions occultes. Na ndani ya mji huu kulikuwa masimba ambao ni wachawi. Le matin ils ont trouvé le vieux était là avec sa femme et ses enfants. Na asubuhi wakamkuta ule mzee yuko pale pamoja na watoto wake. Il est en train de prier. Na wako wanaomba. Et puis il est resté dans le village. Na kisha kabaki ndani ya kijiji. Il essaie de prêcher, personne n'écoute. Anapima hubiri hakuna anayesikia. Un jour il a fait une prière, il dit Seigneur. Siku moja anafanya ombi anasema. Je ne veux pas se convertir. Tu m'as fait partie de Bukavu. Umeniondoa toka Bukavu. Pour que je vienne leur parler de toi. Ils veulent même pas prêter attention. Na kisha hawapendi hata kusikiliza. OK, le Saint-Esprit dit tu fais quoi? Roho Mtakatifu anamwambia anafanya. Entre jeûne de 7 jours. Ingia ndani ya mafungo ya siku 7. Sek. Bila kula bila kunywa. Quelle est la requête? Itaje ni nini? Que le village tombe malade. Hii kijiji yote igonjwe. Diarrhée. Wagonje magonjwa kipindupindu. Et ne guérira que sur ma prière. Na watapona ni kupitia tu maombi yangu. Il a commencé sa prière. Akaanza maombi yake. Le septième jour. Siku ya saba. La diarrhée a commencé. Kipindupindu ikaanza. Quand on est complice avec Dieu. Wakati unakuwa mshirika pamoja na Mungu. Sikiliza ndugu yangu. Il faut pas jouer avec les complices de Dieu. Hayombe ucheze pamoja na mshirika wa Mungu. Il peut poser des actes surnaturels. Anaweza kufanya matendo ya ajabu. Avec leur Dieu là. Pamoja na Mungu wao. Ils peuvent négocier des choses. Wanaweza kuzungumza mambo. Ils peuvent t'écouter cher. Ambao wanaweza kuwa hatari kwako. Et les gens ont commencé à faire la diarrhée dans le village. Na watu wakaanza gonjwa kipindupindu ndani ya kijiji. Or, il prêchait avant que Dieu la guérit, croyait, regardait. Et quand c'était la catastrophe dans le village. Na wakati kabisa mambo ilikuwa tayari ndani ya kijiji. Heureusement qu'il y a toujours des femmes attentives. Bahati nzuri kuna kwa wanawake ambao wanakuwa waangalifu. La femme de monsieur dit à son mari. Mke wa baba moja anamwambia mume wake. Sasa wewe unataka kufa. Maintenant là, toi tu vas mourir. Sonna ma crampe zinanz. Tu vois même les crampes commencer. Manake, il vit ça, na usha kwa déshydraté. Maintenant là, tu es déjà déshydraté. Où le baba, où le mwalikuya hapa huyu. C'est messieurs là qui est venu ici. Si elle quoi sema où le Yesu wake anaponya. Il est en train de dire que son Jésus là si qui est venu. Si tu ne m'ona. Nous devons aller lui voir. Oh, nous on est des musulmans. Ah, où takufa. Vous allez mourir ici. Takufa. Vous allez mourir. Le lendemain, il dit à sa femme, ok, va lui dire de venir, mais qu'il vienne la nuit, hein, qu'on ne le voit pas venir. Le vieux homme de Dieu dit, je ne viens pas. Que lui vienne. Et lui refuse de venir. Ok, qu'il meurt. Akukufa. Vous savez, c'est une complicité. Dieu doit faire durer l'agonie pendant longtemps pour que l'opération réussisse. Il faut que ça dure. Complice avec Yahweh. Et puis l'agonie continue. Ok, le monsieur accepte. Il dit ok. Dis-lui. De venir akuje la journée mchana et dit anasema je vais venir avec mon tamtam nitakuja pamoja na ngoma yangu na niko naimba et je suis en train de chanter au même moment les nyimbo za wokovu et vieux dit eh hapana ule mzanasema on va m'exterminer ici c'est ok je ne viens pas anasema sasa sitakuja je ne viens pas. Le troisième jour, il a accepté. Siku ya tatu akakubali. Mais il y avait déjà quelques morts. Lakini kulikuwa watu ambao wamekufa tayari. La Bible dit, je donne des hommes à ta place. Biblia nasema na wapana watu kwa nafasi yako na mataifa kwa ajili ya uzima wako. Finalement, il accepte. Sasa kwa mwisho anakubali. Et le vieux homme de Dieu vient. Na ule mzee mtu wa Mungu anakuja. Iko na piga. Tia wimbo ya wokovu mo, tuipige. Voyez comment nous battons les tamtam au manier. Iko na piga ngoma kabisa. C'est lui qui a engendré ça. Hein? Ce tam-tam là, kataka. Il est venu akakuja dans le village en ndani chantant. Ya kijiji ya kiimba. Et il est entré dans la maison de ce monsieur. Il a prié. Le monsieur est guéri sur place. Ule baba anapona pale pale. Tous les malades sont venus. Wagonjwa wote wakakuja. Il a prié pour eux. Akawaombea. Ils sont guéris. Wote wakapona. Et l'église a commencé ce jour. Na kanisa kanza ile siku. Lorsque nous avons obtenu la faveur de Dieu, wakati tumepata kibali cette Mungu, faveur va se révéler par l'engagement de Dieu. Kibali taonekana kupitia elle va se révéler par la complicité. Itapitia kupitia ushirika elle va se révéler par l'alliance. Itapitia hata c'est-à-dire que agano. Dieu ni kusema Mungu, s'élève de notre côté. Anasimama kwa ngambo yetu. Dieu dit, huyu ni wangu. Mungu anasema, c'est lui qui m'appartient. Je suis prêt à tout pour lui. Na niko tayari kufanya yote kwa ajili yake. Y a-t-il quelqu'un qui veut être complice de Dieu ici? Kuna mtu ambaye anahitaji awe mshirika wa Mungu hapa. Maintenant, si tu es son complice, sasa kama wewe ni mshirika wake, qu'est-ce qui se passe avec tes propres besoins? Nini ambao unapitikana pamoja na hitaji zako mwenyewe? Pamoja na hitaji zako mwenyewe. Tungeweza sema hata quelle serait la meilleure requête alors à faire? Nini ambayo ungepaswa kuwa hitaji ya mzuri ya kufanya? Seigneur, donne-moi une maison. Bwana nipatie nyumba. Ou donne-moi ta complicité. Ama unipatie ushirika wako. Si Dieu me donne sa faveur. Kama Mungu ananipatia kibali chake. J'ai tout. Ninakuwa na yote. Mais il dit dans sa parole, faites connaître à Dieu vos demandes. C'est-à-dire, il nous autorise d'exprimer les demandes que nous voulons. Et pour 2020, je répète, d'ici demain, écrivez tes demandes. On va prier pour ça demain. Selon l'élément. Et on va dédier l'année. Et ses requêtes. On va prier pour ça demain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma sœur. Ndugu yangu, dada yangu. Le Dieu des cieux. Mungu wa mbingu. Qu'on appelle Yahweh. Wanaye mwita Yahweh. Il a encore un grand cœur. Angali na moyo mkubwa. Dans cette brèche dont nous avons parlé. Ndani ya nchi yetu tuliyozungumzia. De sa personne. Njia ya utu wake. Sa personne. Utu wake. Tu peux encore venir te brancher. Na unaweza kuja tena na et obtenir sa faveur. Na upate kibali chake. Tu peux obtenir sa faveur. Unaweza pata kibali chake. Dis à ton voisin. Ambia jirani yako. Ce n'est pas tard pour toi. Haija kuwa, tu peux aussi toi obtenir la faveur de Dieu. Pata pia kibali cha Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Laisse-moi continuer avec la troisième facette comme ça. Demain on aborde d'autres chapitres. Acha nizungumzie uso wa tatu ili kesho tuzungumzie mambo mengine. Ce chapitre de ce que c'est que la gloire de Dieu. Je vous rappelle. Ninawakumbusha. Depuis vendredi, tangu siku ya tano. Depuis mardi, je crois. Nous sommes en train de voir. Tuko tunaona. Quand nous disons que la gloire de Dieu vient dans ma vie, tunaposema utukufu wa Mungu unakuja maishani mwangu, vient dans ma vie? Nini inayokuja maishani mwangu? Qu'est-ce qui vient? Nini nayokuja? Qu'est-ce que je demande quand je dis ça? Nini ninayoomba ninaposema hivyo? Tu peux nous faire la récapitulation? Unaweza kutufanyia tu marudilio kidogo? Commence avec la gloire de Dieu en lui-même. Utukufu wa Mungu ndani yake yeye mwenyewe. Allez-y, mettez tout. La gloire de Dieu en lui-même. Utukufu wa Mungu ndani yake yeye mwenyewe. Se manifeste par son être. Inaonekana kupitia ile ambayo iko uwezo wake. Tu as une erreur. Sa personnalité. Utuwake. Son être. Ilambayoiko. Sa personne. Utuwake. Et sa puissance. Na uwezo wake. Sa personne et sa puissance. Donc au deuxième niveau, c'est sa personne. Alléluia. Utuwake. Alléluia. Amen. Quand nous disons gloire de Dieu, tunapozungumzia utukufu wa Mungu, nous sous-attendons tout ça. Tunakuwa tukiangalia haya yote. De Yahweh. Kutoka kwa Mungu. Mais quand nous disons la gloire de Dieu dans notre vie en tant que ses bien-aimés, nous sous-attendons tout ça. Tuko tunaelewa hii yote. Qui est la gloire de Dieu en lui-même, ambayo utukufu wa Mungu ndani yake mwenyewe, qui vient dans notre vie, ambayo inakuja maishani mwetu, où Dieu Yahweh, ambapo Mungu Yahweh, vient avec tout ce qu'il est, anakuja ndani ya yote ambayo iko, il vient s'installer dans notre vie. Anakuja na anaingia ndani ya maisha yetu. Maintenant la présence de ce Yahweh dans notre vie, sasa uwepo wa huyu Yahweh ndani ya maisha yetu, va se révéler par itafunuliwa kupitia sa présence, uwepo wake, sa faveur, kibali chake, et sa dotation, na vifaa anavyotupa. Sa dotation dont nous voulons parler. Vifa na vyotupa ambao tunatafuta kuzungumzia. La dotation. Vifa. Hallelujah. Amen. La dotation. Vifa na vyotupa. C'est-à-dire, ni kusema, lorsque j'obtiens la faveur de Dieu, wakati napata kibali cha Mungu, Dieu me donne une dotation. Mungu ananipa vifa. Des inputs. Ananipakiza. À part sa faveur, kuacha kibali chake. À part son alliance, kuacha agano lake. Dieu met des choses en moi. Mungu anaweka mambo ndani mwangu. Il y a des choses. Kuna mambo. De sa personne. Za utu wake. De son être. Za ile ambayo iko. Que Dieu ne peut pas me donner. Ambayo Mungu hawezi kunipatia. Par exemple. Kwa mfano. Il est créateur. Yeye ni muumbaji. Je ne deviens pas créateur. Mimi siko muumbaji. Quand Dieu vient dans ma vie. Wakati Mungu anakuja maishani mwangu. Par exemple. Kwa mfano. Il est infini. Je ne deviens pas infini. Mimi sita kosa kuwa na mwisho. Mais lui-même, lakini yeye mwenyewe, vient avec son infinité en moi. Pamoja na kutokuwa tout na mwisho donc ce qu'il est, na yote ambayo il vient avec en moi. Anakuja nayo ndani mwangu. Maintenant, en tant qu'être limité, sasa kama vile mwanadamu ambaye anakuwa na mipaka, mwanadamu anaye mipaka, les choses qui vont se manifester, mambo yatakayoonekana, c'est cette gloire de Dieu, nikusema hii utukufu wa Mungu, va se révéler maintenant, itajifunua au travers de moi comme être humain, kupitia mimi kama vile mwanadamu, par sa faveur, kupitia kibali chake, par son alliance, kupitia agano lake, et par sa dotation, na kupitia ile ambayo ananipa kama vifaa, et la dotation na vifaa hivi va se révéler par l'équipement, vitaonekana na kupewa, il va m'équiper, atanipatia silaha, des capacités, atanipatia uwezo, il va m'équiper, atanipatia des choses, na mambo qui me permettent, ambayo yataniruhusu de révéler sa gloire, ni onyeshe utukufu wake, de me faire connaître, ni mujulishe, d'accomplir ma destinée, nitimize hatima yangu, d'accomplir mon nom divin, nitimize jina langu la kiungu. Hallelujah. Amen. La Bible dit, Biblia inasema, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Una nini ambayo haukupokea? Et si tu as reçu, na kama ulipokea, donc tu as reçu une dotation, ni kusema ulipokea vifaa. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Dans Romains 11, 36, ndani ya Warumi 11 mstari wa 36, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Amesema ni kupitia yeye, ni kwa ajili yake ambao, c'est de lui, par lui et pour lui. Ni kutokea kwake kupitia yeye na kwa ajili yake ambao mambo yote. Ce que nous avons, ni kusema yule tunayo. C'est une dotation de Dieu. Inakuwa ni vifaa ambavyo tumepewa na Mungu. Quand tu te donnes davantage à Dieu. Wakati unajitoa zana mbele ya Mungu. Tu constates que tu commences à être capable de certaines choses. Na unaanza kugundua ya kwamba unaanza kuwa na uwezo wa kufanya mambo fulani. Vitunga vya sadaka vitaanza kupita tayari. Tu commences à être capable de quelque chose. Unaanza kuwa na uwezo wa kufanya mambo fulani. Sache que Dieu est en train de te donner des dotations. Ujue ya kwamba Mungu yuko na kupatia vifaa. Et apprécie ces dotations. Na uanze kufurahia leur juste valeur. Uwapatie, uwapatie thamani. Amen. Alléluia. Amen. Dans Matthieu 8, 27, il est écrit. Matthieu 8, 27, il m'indique. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Hawa watu wakashikwa na mshangao. Et ils dirent au sujet de Jésus. Na wakasema, quel est celui-ci? Huyu ni nani? Disait-il. À qui obéissent même les vents et la tempête. Ambao hata zoruba na mawimbi wanatii. Qu'est-ce qu'il y a en lui? Nini iliyo ndani mwake? Comme il est équipé, cet homme. Sababu amepewa vifaa nyingi huyu mtu. Au point qu'il peut arrêter la tempête et la mer. Na hata anaweza kusimamisha bahari na mawimbi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Dans Esaïe, psaume 89. Zaburi 89. Verset 21, nous avons lu. Mali ambapo tuliposoma Mungu anasema nimempata Daudi mtu wa kupendeza moyo wangu nimempaka mafuta yangu takatifu. Da Isaïe 61. Ndani ya Isaya 61 mstari wake wa kwanza na pili. Yesu Kristo yeye mwenyewe anasema. L'esprit du Seigneur est sur moi. Roho wa Bwana ni juu yangu. Car l'Éternel Bwana Mungu amenipaka mafuta. L'Éternel m'a donné une dotation. Bwana amenipatia vifaa. Pour me rendre capable d'ouvrir les yeux des aveugles, d'annoncer une année de grâce du Seigneur, de guérir les cœurs brisés, une dotation. Maintenant écoutez, lorsque nous recevons la gloire de Dieu en nous, cette gloire vient avec des dotations. Et ce sont ces dotations qui vont se manifester comme utukufu dans notre vie. La gloire de Dieu ne se manifeste pas dans notre vie comme un neno tu ya kuongea. Par les simples paroles. Nous avons chanté dans le passé, oui j'ai la vie de Dieu en moi, oui j'ai la vie de Dieu en moi, j'ai sa vie, sa nature et sa capacité, oui j'ai la vie de Dieu en moi. Si vous n'êtes pas rentré dans les processus qui amènent la gloire de Dieu en vous, vous ne pourrez pas chanter ces cantiques, ça va rester un chant. Kama ukiingia ndani ya ile hatua ambayo unaleta utukufu wa Mungu maishani mwako hata wimbe wimbo tabaki tu nyimbo haitaingia maishani mwako ni wimbo. Nous pouvons chanter les versets bibliques. Tunaweza kuimba mshairi za Biblia. Ces versets restent creux. Lakini hii maverse nabaki tu vile. Deuxième manifestation la dotation. Onekana kwa pili kwa kupewa. Inakuwa ni karama. Dans Romains 1:11, il est écrit. Dans Warumi 1:11, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels avec que vous soyez affermis. Paul veut voir les Romains. Paulo anahitaji aone Warumi. Paul. Paulo. Tu es un être humain. Wewe si mwanadamu. Tu as des dons spirituels. Unakuwa na karama za roho. Que tu vas donner aux gens. Ambazo utawapatia watu. Tu as eu ça où? Ulizipata wapi? Quand je suis rentré dans la gloire de Dieu, Dieu a mis un stock Mungu akaweka akiba de dons en moi. Yeah. Alors je veux vous voir les Romains. Sasa ninahitaji nione nyinyi Warumi. Vous communiquer quelques dons spirituels. Ili ni watangazie karama za kiroho. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Et le don des dons, c'est le Saint-Esprit. Na karama iliyo kubwa kushinda karama zote, zawadi iliyo kubwa kushinda zawadi zote ni Roho Mtakatifu. La gloire de Dieu utukufu wa va se manifester par les dons. Itaonekana kupitia zawadi za roho. Les dons. Zawadi. Les dons. Zawadi. 1 Pierre 4:10, il est écrit, comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Kama vile wagawaji wa neema ya Mungu kila mmoja wenu aweke kwa kazi ya Mungu ile karama aliyoipokea. Vous avez reçu des dons. Mmepokea karama. Ce sont les dotations de la gloire de Dieu. Na hii nakuwa ni vifaa mlivyovipewa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Et Jésus dit aux disciples. Na Yesu Kristo anawaambia wanafunzi. Dans Marc chapitre 16 verset 16-17. Ndani ya Marco. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Natazama miujiza atakayowafanya. Kwa jina langu watafanya 1, 2, 3, 4, 5. Amen. Dieu donne une dotation aux disciples. Anapatia wanafunzi vifaa. Il donne une dotation. Anapopatia vifaa. Et dans Acte 3, 5, ndani ya matendo ya mitume Pierre dit au paralytique, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai dans le stock de ma dotation, ce que j'ai reçu comme dotation, au jour de Christ, je te le donne. Au nom de Jésus Nazareth, lève-toi et marche. Et le tenant la main, il est soulevé. Et il entra dans le temple sautant, dansant et louant Dieu. Frères et sœurs, fais gaffe. Il y a des choses que Dieu est prêt à mettre en toi pour manifester sa gloire par toi. Il est écrit dans les Actes des Apôtres. À un moment donné, le peuple commençait à se mettre à l'écart des apôtres. Il est écrit, personne n'osait s'approcher d'eux. Tellement ils étaient glorieux. Tellement la gloire de Dieu se manifestait en eux. Et on n'osait pas les approcher. Ils sont devenus terribles. Il y a des choses que Dieu a mis en eux. Je vous ai parlé de Paul. À qui on veut apporter des sacrifices. On dit les dieux sont venus jusqu'ici. Paul, Dieu. Paolo, Mungu. Oui. Ndio. Et Dieu dit, na Mungu anasema, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Je hamjui kwamba mais quand est-ce que nous devenons des dieux? Lakini sabu wakati lorsque le vrai Dieu vient, dans sa gloire. Et que notre entourage commence à nous regarder comme Dieu. Mais Dieu minuscule. La dotation. Je pourrais lire la grande dotation. C'est Dieu lui-même qui se dote en nous. Acclame le Seigneur pour ça. Écoutez, sikiliza. Lorsque tu pries, wakati unaomba, je vais te donner un conseil. Napenda nikupatie shauri. Désormais, kwanzia quand tu pries Dieu, unapoomba Mungu, commence à dire Dieu, uanze sema Mungu, donne toi-même à moi. Ujipane wewe mwenyewe ndani mwangu. Viens toi-même. Uje wewe mwenyewe. Installe-toi toi-même. Ukuje uingie wewe mwenyewe. Dieu, Mungu, viens dedans ukuje umonani, avec toute ta gloire. Pamoja na utukufu wako wote. Ne viens pas comme à Bethshemesh. Usikuje kama pa Bethshemesh. Ou à Kiriat Yearim. Ama pa Kiriat Yearim. Où tu es déjà venu. Ambapo ulifika. Et puis les gens sont massacrés. Na kisha watu en ta présence. Mbele yako. Tu as laissé ta gloire. Uliacha utukufu wako. Tu as éteint ta gloire. Ukazimisha utukufu wako. Seigneur, viens dans ma vie. Bwana kuja et allume ta gloire. Na uwashe utukufu wako. Allume ta gloire. Utukufu wako. Afin que ta gloire se manifeste. Ili utukufu wako uonekane. On a chanté souvent ceci. Mara tunakuwa tukiimba hivi. Le monde attend de nous, Seigneur, est signe de ta gloire. Vous connaissez ça? Unajua ile nyimbo? Le monde ulimwengu attend inangoja de voir la gloire de Dieu. Uona utukufu wa Mungu. L'évangélisation va marcher lorsque la gloire de Dieu est manifestée en nous. Les âmes vont courir à Jésus lorsqu'ils vont voir la gloire de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons besoin de cette gloire. Que des fois tu as prêché l'évangile à quelqu'un et il t'a regardé comme un vulgaire homme. Il ne voit, il ne sent rien en toi. Il ne voit rien. E poi ti te contadi, nisha kubiri neno, kama hautaki kuamini na kuona, utaenda kumoto. E poi ti dice te desapprecier si tu n'as pas écouté ça. Est-ce qu'il y a pas mieux que ça? Je kuna iliyo nzuri kushinda hii. Est-ce qu'il y a pas mieux que ça? Je kuna iliyo nzuri kushinda hii. Et c'est pas possible que déjà ta seule présence devant cette femme ou cet homme dise quelque chose dans son esprit. La présence de Jésus avec les disciples de Maus disait déjà quelque chose dans l'esprit de ses disciples. Ils sentaient que quelque chose se passe. Ils sentaient qu'il y a quelque chose ici. Lorsque nous allons évangéliser, est-ce que les gens sentent que quelque chose se passe? Kwamba kuna kitu kinapitikana. Et pourquoi sommes-nous ici? Na sababu gani tuko hapa? C'est pour chercher ça. Ni kwa ajili ya kutafuta hii. Seigneur, Bwana, que ta gloire utukufu wako vienne. Na uje. Lorsque j'entre au bureau, wakati naingia ofisini, et que les gens étaient en train de se réunir contre moi, na kwamba watu walikuwa wakikusanyika ili kuniambia mambo mabaya, et que ma présence entre au bureau, uwepo wangu la réunion s'arrête. Mkutano inaisha. Oui. Ndio. La réunion s'arrête. Mkutano inaisha. Et il commence à s'entraquiser. Ni wewe ndio ulisema. Wanaanza kujichongea, wanaanza chongea. Wewe ulikuwa unasema. C'est toi qui parles. Oh non, c'est toi. Et puis toi, l'enfant de Dieu, tu ne sais pas de quoi il parle. Na kisha wewe mtoto wa Mungu hawajui wanaongelea nini. La présence de Dieu en toi. Upuwepo wa Mungu ndani mwako. Vient de semer la culpabilité. Imeleta kujihukumu. Et tout à l'heure, les gens commencent à pleurer sur leur péché. Wamoja wanaanza kujililia wao wenyewe. Qu'est-ce qui se passe? Nini napitikana? La gloire de Dieu. Utukufu wa Mungu. La gloire. Utukufu. La gloire. Utukufu. La dotation. Kupewa vifa. La troisième facette de la dotation. Uso wa tatu wa kupewa vifai. Ce sont les capacités. Inakuwa ni uwezo, uwezekano. Les capacités. Uwezo ambao Mungu ametupa. Hallelujah. Amen. Dans 2 Corinthiens 3:5, il est écrit. Wa Korinto wa pili tatu msari wa kiwatano imeandikwa. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Si kusema tuna uwezo wa kufanya kitu kama inatokea ndani mwetu. Mais notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Lakini uwezo wetu inatokea kwa Mungu. La capacitation. Ile uwezo. Il y a des frères et sœurs qui na vont wadada commencer à fonctionner avec des capacités qui ne sauront pas sa vie d'où. Tu vas traiter un dossier utaanza kutengeneza kesi. Et à la fin na kwa mwisho, tu vas relire le dossier utasoma et tu kesi vas te demander na qui a fait ça. Nani aliyefanya hii? Est-ce que c'est moi qui ai fait ça? C'est mimi niliyoifanya. On te dira chef, c'est toi. Ndio atakwambia mkubwa ni wewe. C'est toi. Ni wewe. Dieu, Mungu peut te doter. Anaweza kupatia des capacités. Uwezo. Des capacités. Uwezo. Inui. Ambazo hazina mwisho. Qui proviennent ou procèdent de sa gloire. Ambazo zinatokea ndani ya utukufu wake. Capacité. Uwezo. Est-ce que tu as quelque chose que tu veux demander maintenant? Je kuna kitu ambao levons-nous rapidement, on va prier. Tusimame haraka tutaomba. Levons-nous rapidement. Tusimame haraka. La dotation. Kupewa vifa. La faveur. Kibali. La présence. Uwepo. Écrivez ça au tableau. Muandike kwenye ubao. La présence. Uwepo. La faveur. Kibali. Et la dotation. Na kupewa vifa. Les voies par lesquelles la gloire de Dieu se manifeste dans notre vie. Voilà. Ji ambazo kupitia ile ne partez pas avant qu'on puisse prier bien-aimé. Musiende mbele ya kuomba wapendwa tafadhali. Patientez un instant, on va prier quelques minutes et puis nous allons partir. Musubiri tu muda kidogo, tutaomba kwa dakika chache na kisha tutarudia. Commence à te représenter toi-même. Anza kuona wewe mwenyewe. Dans cette gloire de Dieu. Ndani ya hii utukufu wa Mungu. Nous voulons dire Seigneur. Tunatamani kusema Bwana. Que ta gloire vienne dans ma vie. Utukufu wako uje maishani mwangu. Elle va venir comment? Itakuja namna gani? C'est tout l'être de Dieu qui va venir en moi. Ni utu wote wa Mungu utakayokuja ndani yangu. Mais ça ne sera pas suffisant. Na hii haitatosha. Mais tout l'être de Dieu en moi va se manifester par la faveur de Dieu, par la présence de Dieu et par la dotation de Dieu. Levons nos mains ensemble et commençons à prier. Dites: Seigneur mon Dieu, merci pour ta parole ce soir. Tu as porté un choix précieux sur moi. Je ne mérite pas de te porter. Tu es si grand. Je suis si petit. Je suis si limité. Et puis je suis même pécheur. Je suis même indigne. Je ne vaux rien. Mais dans ta miséricorde, tu as choisi de venir en moi. Et je te prie ce soir, fais-moi voir ta gloire. Oh mon Dieu, que ta présence en moi, se déploie en engagement, en alliance, en respect, en autorité. Seigneur, que ta présence en moi produise ses effets. Que ta faveur en moi produise ses effets. Que ta dotation en moi produise ses effets. À partir de ce soir, je te donne encore ma vie. Je te donne encore ma vie. Je me consacre à toi. Mon rocher, ma forteresse. Tu es mon Dieu. Je n'aurais jamais eu un Dieu comme toi. Tu es le véritable Dieu. C'est toi qui mérites de régner dans mon cœur. Et je te cède mon existence. Prends-moi comme ton instrument pour montrer ta gloire au monde, pour révéler ta gloire au monde. Seigneur, de manière particulière, en ces jours, je te prie que tu tiennes compte de moi dans mes limites et mes faiblesses. Commence à parler de ses limites d'abord. Parle de ses limites et de ses faiblesses. Dis-lui. De quoi il s'agit? Tes limites et tes faiblesses. Seigneur, que ta présence écrase mes limites, comble mes faiblesses. Relève mon niveau. Seigneur, relève mon niveau. Que le déficit en moi soit comblé. Comble mes déficits, Seigneur. Par ta présence. Quelques prix, s'il vous plaît. Quelques prix. Quelques prix, s'il te plaît. S'il te plaît, prie, ne rate pas ce moment. S'il te plaît, ne rate pas ce moment. Dieu vient. Dieu veut habiter en toi avec sa gloire. Mon Dieu, mes limites, les voici. Mon Dieu, voici mes limites. Mon Dieu, voici mes déficits. Mon Dieu, voici mes déficits. Thank you. Tunyoshe mikono yetu. Nous voulons prier, continuer à prier. Tunatamani kuendelea na maombi. Dites Seigneur mon Dieu. Sema Bwana Mungu wangu. Merci de combler mes déficits. Asante kwa kujaza ukosefu wangu. Rends-moi digne devant toi. Unifanye wa kustahili mbele zako. Que le péché ne soit plus mentionné dans ma vie. Na dhambi sitajwe tena maishani mwangu. Que la négligence. Kuzarau mambo. Que la bassesse. Utoto. Ne fasse plus partie de mon cœur. Usikuwe tena ndani ya moyo wangu. Mais que ta dignité. Lakini heshima yako. Ton respect. Heshima yako. Remplisse mon cœur. Ende kachaze moyo wangu. Donne-moi la conscience. Unipatie zamiri. De ta présence dans ma vie. Donne-moi la conscience de ta faveur dans ma vie. Donne-moi la conscience des choses dont tu m'as doté. Maintenant, Seigneur, comme tu es avec moi, réveille-moi de ton autorité contre mes ennemis. Réveille-moi de ton autorité face aux circonstances adverses. Réveille-moi de ton autorité face aux défis de la vie. Donne-moi de ne plus avoir peur. Ôte toute crainte en moi. Donne-moi de l'assurance. Remplis mon cœur d'assurance de ta présence, de ta plénitude. Oh Dieu, remplis-moi de ta plénitude et que par toi je te révèle au monde que mon entourage à partir de ce soir sente, voie et vive ta gloire dans ma vie. Mon Dieu, je dispose ma vie entre tes mains comme instrument de ta gloire, comme instrument de ta gloire. À partir de maintenant, commence à te révéler au travers de moi. Dis-le maintenant. Dis-le. Et applique ça. Applique ça. Commence à te révéler en moi, Seigneur. Commence à révèle-toi par moi. Je suis ton instrument. Mets-moi en profit. Mets-moi en valeur. Oh Dieu, mimi ni chombo chako.